Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 5 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, une série de Madeleine Mukamabano réalisée par Mehdi Eladj et remontée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a une commémoration 25 ans après et une série qui a fait date et qu'on est fier de rediffuser. Mais sous un autre format puisqu'au départ, il y avait 5 épisodes de 75 minutes. En 1999, la journaliste franco-rwandaise Madeleine Mukamabano était allée enregistrer les témoignages de rescapés, mais aussi de certains génocidaires et de plusieurs intellectuels condamnés à revivre ensemble. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui ne peut pas oublier, une autre qui accueille, un homme qui veut avancer sans oublier, un veuf au cœur rongé, un homme qui réorganise la survie, une femme qui a tué ses enfants, un homme qui recueille des enfants assassins et des orphelins perdus, et un directeur d'orphelinat qui veut la réconciliation. Ensuite le décor. Des mots à inventer, des choses qu'on ne dit pas, des viols d'une brutalité inouïe, la peur panique, la misère, le traumatisme, un hôpital et ses fosses communes, un village de veuves, des prières, des meurtres, la discrétion, le négationnisme, des solitudes insondables, une prison, des écoles, 800 000 morts en 3 mois. Aujourd'hui, 2e épisode, la pluie tombe. Rwanda 1999, revivre à tout prix. Mehdi Eladj, Madeleine Mukamabano. En 1994, lorsque les massacres se sont arrêtés, dans ce pays où la paix n'était pas encore la paix, il n'y avait ni larmes, ni cris de détresse. Les Rwandais ne parlaient pas de leurs morts. Ils comptaient les survivants et déployaient toute leur énergie à effacer les traces du drame. On enterrait à la hâte les corps qui jonchaient encore les campagnes et les villes, on masquait la béance des maisons détruites, on abattait les chiens sans maître, qui pendant 3 mois s'était nourri de chair humaine et y avait pris goût. Il n'y avait aucune assistance psychologique, pas de lieu pour dire l'horreur vécue par les rescapés ou pour dire le malaise de simples paysans qui, après 3 mois de folie meurtrière, découvraient qu'ils étaient tout simplement devenus des assassins. Alors, les Rwandais se sont retranchés derrière un mur de silence. Mais d'année en année, le mur se fissure. Le nombre de personnes qui souffrent de désordres psychologiques ou de graves stress post-traumatiques augmente. Avec un seul hôpital psychiatrique dans tout le pays, pratiquement pas de psychologues, la prise en charge des malades est dérisoire. Et dans une société où la retenue est l'une des valeurs essentielles, il a fallu se rendre à l'évidence et inventer un nouveau terme pour désigner les attitudes impudiques et la parole désordonnée des traumatisés. Le terme « Guaramuka », sortir tout ce qu'on a en soi. Ce soir, aux étoiles éteintes. On ne peut pas passer une journée sans que le souvenir des massacres revienne. Espérance de Vanyamata. On y pense. On fait des cauchemars la nuit, quand on est tout seul. Heureusement, nous nous retrouvons dans des associations de femmes. Nous évoquons les horreurs que nous avons vécues. Ce sont les mêmes. C'est d'ailleurs notre seul sujet de conversation. En parler nous empêche de sombrer dans la dépression. Ça nous apaise et ça permet à chacune de nous de s'occuper des tâches quotidiennes. Dans les campagnes, le plus dur pour les rescapés, c'est de vivre l'absence des leurs au milieu des voisins qui, souvent à des degrés divers, ont participé au massacre. Des voisins à qui il faut parler et sourire comme avant. Certaines femmes qui vivent cette situation comme une torture de plus ont décidé de se regrouper dans des villages de veuves qui se construisent un peu partout au Rwanda. Immaculée Ngabire, journaliste. Maintenant, au Rwanda, nous avons 54% de la population, ce sont des femmes. Et parmi ces 54, 36% sont devenus chefs de ménage. Vous comprenez, ça devient un problème. Ces femmes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées seules face à des problèmes insurmontables. Après le génocide, elles n'avaient pas de toit. Il y avait même qui n'avaient personne de leur famille et n'avaient plus d'enfants. J'en ai rencontré des femmes qui regrettaient d'être encore en vie, qui me disaient qu'elles auraient préféré être mortes. À côté de celles-là, il y a d'autres qui étaient parties dans des camps de réfugiés au Congo, des camps de réfugiés au Tout, qui ont perdu leur mari et leurs enfants là-bas, qui sont rentrés, ou bien qui sont rentrés avec leur famille, mais qui n'avaient plus rien. Il y a d'autres, en plus de celles-là, qui avaient leur mari en prison. Il faut aussi dire que celles qui sont rentrées des camps des réfugiés autour au Congo, certaines d'entre elles, leurs maris ont tout de suite été arrêtés, aussitôt arrivés. Vous comprenez, elles, elles ne savaient plus où mettre la tête. C'était ça, l'image de la femme rwandaise. C'était la désolation, et de tous côtés. Et dans la culture rwandaise, il est vraiment difficile pour une femme de dire qu'elle a subi des violences sexuelles. Et puis il y a aussi la société qui la montre du doigt à partir de cela. Pour les jeunes filles, si elles disaient qu'elles avaient été violées, elles pouvaient être sûres que personne ne demandera jamais sa main. Et puis les femmes qui ont été violées, mais dont les maris ne sont pas morts, quand leur mari savait qu'elles avaient été violées, il ne voulait plus d'elles. Comprenez, il y a trop de problèmes, et la culture et la société, tout ça qui bloque la femme rwandaise. En fait, après le génocide et les victimes des violences sexuelles, il y en a qui se sont retrouvées enceintes. Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas garder ses enfants. On a fait une sorte de pression auprès du gouvernement pour qu'ils acceptent qu'on interrompe ces grossesses. Parce que normalement, au Rwanda, c'est même dans le code pénal. C'est un crime. Interrompre volontairement sa grossesse, c'est puni par la loi. On a dû demander qu'on élargisse, qu'on laisse ces femmes avorter. Et surtout ces jeunes filles qui devaient regagner l'école, ces femmes qui ne pouvaient pas garder les enfants de leur bourreau. Et on l'a fait d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui ont avorté. Il y en a d'autres qui ont gardé leurs enfants pour plusieurs raisons. D'abord, il y en a qui n'ont pas su qu'on le faisait parce qu'ils étaient encore éparpillés sur les collines comme ça. Il y a d'autres peut-être pour la religion, parce que la religion aussi, ça abrutisse quelquefois les gens. Bon, la religion catholique surtout. Bon, il y avait encore celles qui avaient peur et il y avait aussi d'autres qui ne croyaient plus en rien, qui étaient là. On leur proposait d'avorter, elles disaient, bon, à quoi ça sert? Pour moi, ma vie est finie. Je n'existe plus. Laissez-moi tranquille. Mais il y a d'autres quand même qui ont su qu'il y avait moyen de le faire et qui l'ont fait. Ces femmes qui n'étaient pas en état de prendre l'initiative pour l'interruption de grossesse et qui donc se sont retrouvées avec les enfants du viol et qui avaient des enfants de leur mari, est-ce qu'on sait comment ça se passe 5 ans après? C'est un conflit ouvert. Ces enfants du père, du mari légitime qui a été tué pendant le génocide, ne supportaient pas maintenant leur petit frère ou leur petite sœur quand ils savent que c'est un enfant du viol. Et il y a une femme qui est venue me voir, elle pleurait et me disait qu'elle ne savait pas quoi faire. Ses enfants ne supportaient pas le petit, le cadet, celui du viol. Il disait que, parce que les voisins avaient expliqué à ses enfants que l'homme qui a tué leur père a ensuite violé leur maman et que c'est suite à ce viol que cet enfant est né. Alors il disait, il le nommait d'ailleurs Inelaham. Milicien. Oui, milicien. Et la femme est vraiment malheureuse. Elle me dit qu'elle regrette maintenant d'avoir gardé cet enfant. Parce qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Elle me dit, mais non, ça va encore parce que il est encore jeune. Il a presque 6 ans, je pense. Mais il dit que, et la maman dit que maintenant, quand il aura 15 ans, quand il aura grandi dans un milieu qui lui est hostile, lui aussi, il sera hostile. Et forcément, il va être sur la défensive. Alors, vous comprenez, c'est un problème. Kimironko, un faubourg dans la banlieue de Kigali, abrite l'un des nombreux villages de veuves du pays. Les veuves de Kimironko, très jeunes dans l'ensemble, sont au départ des paysannes qui viennent des différentes préfectures et qui n'ont pas osé retourner sur leurs collines après le génocide parce que, disent-elles, il n'y avait plus personne, il n'y avait que la peur et la solitude. Dans l'univers urbain où elles vivent aujourd'hui, elles n'ont même pas le pain de terre pour faire pousser des tomates. Alors, elles travaillent ici et là sur des chantiers de construction. La plupart de ces femmes ont subi des violences sexuelles. À défaut de psychologues, les membres de l'association Avega leur rendent visite une fois par semaine, juste pour leur permettre de parler. Dans la maison de la plus jeune des veuves, c'est un peu la bousculade. Tout le monde veut parler en même temps. On a à peine le temps de faire sortir les enfants qui ne devraient pas entendre ces histoires. Abatessi, très agitée, veut parler la première. Parce que, dit-elle, les histoires commencent à lui embrouiller la tête. Moi aussi, j'ai été violée pendant le génocide et j'étais traumatisée. Mais je croyais que maintenant, c'était fini. Mais samedi passé, on avait organisé une séance de prière. Les femmes de l'association Avega, c'est l'association des veuves du génocide d'avril. Et quand je suis arrivée là-bas, ça a recommencé. Pendant le génocide, j'ai été violée par plus d'une dizaine de miliciens. Ils m'ont laissée sur la colline où ils m'avaient violée, à Boutalé, en commune Mouira, et j'ai resté 4 jours sur cette colline, et j'avais perdu connaissance pendant ces 4 jours. J'étais sur la route. Et il passait, il me donnait des coups de pied. Il y avait mon enfant de 7 mois qui était assis à côté de moi, qui est resté avec moi pendant ces 4 jours. Et finalement, le camp Gako est tombé. Ce sont les militaires du FPN Mutangi qui m'ont ramassé sur cette colline. Mais j'étais très mal en point. Moi-même, je ne me sentais pas. Je ne sentais plus la vie à moi. Mais il y avait mon cœur qui battait encore. Puis on m'a amené à Kiziguro. C'était avant que Kigali ne tombe. Et quand Kigali est tombé, on m'a amené à l'hôpital Roi Faisal. Il m'arrive de revivre ces scènes du viol. Je vois des gens qui viennent. On essaie de me dire qu'il n'y en a pas. Mais moi, je les vois. J'essaie de me cacher en dessous de la table, en dessous du lit. Et quand quelqu'un à côté de moi essaie de parler, je le baïonne avec ma main. S'il s'agit d'une femme, je lui dis, mais tais-toi parce que toi aussi, on peut te violer. Et quand la crise passe, je me rends compte moi-même qu'il n'y avait pas des gens. Je venais de faire 6 mois sans crise. Mais samedi dernier, quand j'ai entendu des témoignages, des gens qui donnaient des témoignages sur ce qu'ils ont vécu pendant le génocide, ça a recommencé. Alors, je ne peux pas espérer que c'est fini parce que si c'est revenu samedi passé, c'est que ça peut encore une fois reprendre. Vous vous rendez compte, faire une scène pareille au moment de la prière dans une église, des fois j'ai honte. Quand c'est fini, j'ai vraiment honte. Avec des gens qui sont ici avec moi, il n'y a pas de problème, je ne leur cache rien. Mais avec des étrangers, j'ai vraiment honte. Et quelquefois, je me dis que j'ai plus envie d'aller où que ce soit. J'ai deux enfants, un garçon et une fille. J'ai aussi un orphelin que j'ai adopté, donc ça fait trois enfants. Enata. J'avais un mari jeune. Nous avions des biens, des vaches, des bananeraies, des enfants et une grande famille. Aujourd'hui, je suis obligée de mendier du savon pour laver les vêtements de mes enfants. Je ne peux pas dormir avec un cœur rempli d'angoisse. J'attends avec impatience le lever du jour. Quand l'un de mes enfants est malade, j'ai peur, je tremble, j'en deviens moi-même malade. Je me dis qu'avant, quand j'étais malade, j'avais un parent pour veiller sur moi. Si je meurs aujourd'hui, il n'y aura personne pour avertir les voisins. Quand j'entends des voleurs ou des gens ivres qui crient, je réveille les enfants et je leur dis « Levez-vous, tout le monde s'est sauvé. Il n'y a personne pour nous avertir. Il faut être toujours aux aguets. La peur ne me quittera jamais. Quand les gens se battent, je crois que ce sont les massacres qui recommencent. Quand deux hommes se disputent, je crois que c'est la guerre qui reprend. » C'est l'hôpital psychiatrique du Rwanda, l'hôpital d'Ondera, géré par les pères salésiens, n'accueille que les cas les plus graves. L'hôpital a commencé à travailler en 72 tout doucement, avec une interruption pendant les événements de quelques mois seulement. Et depuis lors, on a aussitôt repris le travail ici dans l'hôpital. Les frères sont revenus de la Belgique le plus tôt possible, je dirais, et on a recommencé, malgré que l'hôpital était fort déménagé, les bâtiments, l'infrastructure, tout le personnel, presque beaucoup de malades, aussi les gens qui habitent la colline, qui ont cru de trouver une enceinte ici, je dirais, protégée pour eux, mais ça n'a pas réussi, alors ils ont tous été tués. Ici sur place, ce qui est très regrettable, et nous avons deux grandes fosses communes ici sur le terrain de l'hôpital. Mais ça, c'est le passé, on ne peut pas oublier, mais la vie continue et aussi l'hôpital continue à vivre. Maintenant, nous sommes de nouveau sur une bonne direction, je crois. Tout de même, nous avons quatre unités de soins dans l'hôpital, ça veut dire deux unités pour hommes, une unité pour femmes adultes, et une unité pour enfants traumatisés et autres enfants épileptiques, tout ça qui sont difficiles à rester à la maison ou bien dans un orphelinat ou quoi. Ils viennent ici temporairement pour une observation et pour un traitement, puis ils retournent d'où ils sont venus. Malheureusement, nous n'avons pas encore un psychiatre rwandais en service. Momentanément, nous avons deux psychiatres en service qui sont des médecins généralistes, mais qui suivent une formation en psychiatrie ici sur place. En général, quand il fait beau comme ça, ils restent dehors. Hein? Et surtout que c'est l'heure de midi, comme on est en train de leur donner à manger. Vous pouvez parler avec moi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je souffre dans ma tête. Mais ça ira bien. Peut-être ça avance. Je commence à être normal. J'étais malade. Mais depuis aujourd'hui, puisqu'il y a les gens qui viennent à prier là, je commence à être bien. Je commence à être bien. Oui, oui. C'est une unité de crise. Bon, ce sont des malades, donc des malades mentaux. Ils entrent en état d'agitation et puis ils sont accueillis ici pour essayer de faire quelque chose pour eux. Ce sont des personnes qui sont hospitalisées pendant une période pas assez longue. Et puis, quand nous venons de constater qu'il s'agit d'un trauma, on essaye de le soigner d'une façon particulière, donc surtout avec les entretiens individuels, les psychothérapies, quoi. Et puis, bon, les médicaments, on ne donne pas beaucoup, on donne seulement les calmants. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été traumatisés pour avoir tué aussi? Il y a des gens qui se plaignent comme ça, mais dans la majorité des cas, ce sont des malades mentaux. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent qu'ils ont tué un certain nombre de personnes. Au fond, on ne sait pas aller vérifier si c'est vrai ou faux. Nous occupons d'eux en tant que malades, et puis après, on les laisse rentrer chez eux. On ne sait pas faire des enquêtes jusqu'à. Tu vois, les malades mentaux, normalement, ils iraient dans les endroits où il y a beaucoup de monde, notamment les marchés, ils iraient dans les alentours des hôpitaux, ils iraient dans les endroits où il y a beaucoup de personnes. Quoi. Mais actuellement, j'ai cette impression qu'il y a beaucoup de patients, de malades mentaux qui iraient dans les collines, qui sont beaucoup plus nombreux qu'avant la guerre. Quoi. On n'accepte pas la folie ici parce que c'est la valeur la plus partagée. Damien Ruggiera, anthropologue. Effectivement, comment accepter que finalement des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de personnes entrent dans la folie post-traumatique génocidaire. Les traumatisés rescapés, ont du mal à se faire comprendre. C'est pour cela qu'on a inventé le mot « guhahamuka », qui veut dire sortir les tripes, sortir ce qui est à l'intérieur de soi. Et « ha ha ha ha », c'est un peu onomatopique. Hein, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à sortir les paroles et qui est « ha ha ha ». Et ces enfants ou ces personnes vivent des situations très dramatiques et très difficiles. Mais cela vient aussi de loin, parce que dans notre culture, normalement, on doit être discret. On doit pas élever le ton. Et donc, ces personnes-là, actuelles, font le contraire. C'est-à-dire, les choses sont tellement... Ils sont tellement dépassés par ce qui leur est arrivé qu'ils n'obéissent même plus à cette consigne culturelle de ne pas d'être discret, et donc ils sortent tout ce qu'ils ont à l'intérieur, mais malheureusement ce n'est même pas ordonné. Alors on peut pas dire qu'il y a un déni de folie, mais on sait très bien que comme dans beaucoup de sociétés aussi, là c'est un universel, ceux qui avaient des problèmes de folie, ceux qui avaient des problèmes de démence, dans beaucoup de sociétés on les cache. Alors maintenant, on ne peut plus les cacher dans notre société. Ils sont là, ils sont visibles, mais ils n'ont pas une folie venue par d'autres causes, mais c'est une cause qu'on connaît. C'est l'une des questions à laquelle la société rwandaise est affrontée. Elim Paimana. Je n'ai pas à dire le sort de ma famille est propre à moi, surtout mon épouse et mes enfants. Parce que j'ai gardé un souvenir amer. C'est pourquoi je ne tolère jamais des gens négationnistes qui prennent le génocide pour un fait divers. Chez moi, le génocide, c'est quelque chose qui ronge mon cœur. Quand je vois, de mon jeune âge, marié à 22 ans, avec une fille où on s'aimait, non seulement pour l'amour conjugal, mais pour l'amour qui montrait combien les Rwandais vivaient ensemble et pouvaient nouer et renouer encore l'existence d'un amour unique. C'était ma femme est tuée pendant le génocide et mes deux faux jumeaux, garçon, fille. Le garçon s'appelait Liberté Eloi. La fille s'appelait Liberté Edith. Quand quelqu'un parle du sujet génocide, il parle des massacres sur Kigali, des Tutsis tués, des Hutus tués par massacre, parce qu'ils n'ont pas épousé la logique des Hutus génocidaires. Je saute un chapitre sciemment pour ne pas revenir dans ce sous-concert qui a marqué mes jours d'amour, mes jours de rêve, mes jours de patience, de voir des gens qui entouraient mon mariage, tous disparus. C'est pourquoi j'ai un album que j'appelle souvent. J'ai un album à la maison où j'ai marqué une étiquette par des lettres en majuscules. Ce sont des lettres que je ne vais pas dire souvent. Des étoiles éteintes. Ces étoiles éteintes sont des poèmes dédiés à mes amis que j'ai appelés des nécrologies. Alors, pour moi, le génocide, je saute souvent, j'avance pour ne pas vivre des moments nécrologiques dans mon cœur, les effacer. Celui qui est traumatisé, celui qui entre dans cette folie d'Ogwara Moka, c'est un miroir de moi-même. Et j'ai du mal à supporter cela. Parce que je suis en train de voir qu'il va m'arriver la même chose. Et je ne peux pas supporter ça. Et je n'ai pas les moyens de m'en occuper, parce que si je m'en occupe, peut-être que je vais devenir comme lui. Il faudrait peut-être que nous tous nous fassions Gwara Moka. Rescapés qui ne peuvent plus compter sur les solidarités familiales comme avant sont fragilisés par des difficultés matérielles inédites et plus particulièrement par des problèmes de logement. On estime à 150 000 le nombre de maisons détruites pendant le génocide. Depuis, le gouvernement a lancé un vaste programme de construction de maisons regroupées en villages pour éviter la tradition rwandaise d'habitats dispersés qui avait tant favorisé le génocide. Ces nouveaux logements, à nombre encore insuffisant, sont mis gratuitement à la disposition de toute la population et les rescapés ne sont pas prioritaires. Albert, conseiller communal. Dans le secteur que je dirige, les rescapés ne reçoivent aucune aide. Ils pleurent, ils sont en pleine détresse. Leurs maisons ont été détruites pendant le génocide. Alors ils se sont installés dans les maisons des Hutus qui se sont réfugiés au Zaïre juste après le génocide. Depuis, les propriétaires Hutus sont revenus et on chasse les rescapés des maisons. C'est ça qui aggrave leur traumatisme. Voilà des gens qui avaient des parents, une grande famille, une maison, des biens. Et maintenant, ils sont à la rue. Il y a parmi eux des jeunes filles, des vieilles personnes, des mutilés. Ils viennent tous me soumettre leurs problèmes. On leur a donné des tentes en plastique en lambeaux. Je suis obligé de piquer dans la caisse de la commune pour les aider, surtout pour leur fournir des tôles ondulées. Les autorités s'occupent des autres catégories de la population, mais pas des rescapés. C'est à croire qu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens rwandais. Comment pourront-ils se remettre de tout cela et se sentir de nouveau en sécurité? Dans le temps, j'ai été parlementaire. Mais avec les accords de paix d'Arusha, comme ils avaient forcé de loi fondamentale, il stipulait que dès la signature de ces accords de paix, l'assemblée en place devait être remplacée par une assemblée dont les membres seraient issus des forces politiques en présence. Et c'est là que j'ai arrêté de travailler. Et vous vous êtes retrouvée en prison fin 94? Non, c'est plutôt fin 96. Ici, c'est un groupe de prière. Des adeptes de l'église catholique. Elles sont en train d'achever une prière qu'elles avaient commencée il y a 9 jours en préparation de la fête de Pentecôte. Et ici, dans cette cour, normalement, c'est la cour où on se repose, on fait de diverses activités, des fêtes, des prières, ou bien des petites activités de couture, broderie, etc. ici, il y a quatre blocs qui sont sur le même type. C'est ça le genre, notre genre d'habitation. Et chacune, bon, il y a un espace pour 9 personnes, mais ça dépend du caractère de tout un chacun. Il y en a qui préfèrent vivre ensemble comme ça, il y en a qui préfèrent avoir leur petit chez soi et alors ils mettent des séparations. Et sinon, ça c'est le bloc numéro 4, ici c'est le bloc numéro 3. Mais ils sont tous sur le même modèle. Est-ce qu'on mélange les personnalités politiques avec les prisonnières du peuple? Tout le monde vit ensemble ici pour moi. Et puis, ici, ce n'est pas vraiment net-net. Ce n'est pas net. Il n'y a pas une séparation nette entre les prisonniers politiques et les autres. Toutes celles qui sont accusées de génocide, en fait, se considèrent comme des prisonnières politiques, d'une manière générale. Il y a beaucoup d'enfants aussi, je vois. Pas tellement. Les petits-enfants, il y en a seulement 20. Et soit ils sont venus étant bébés, ou bien leur maman les portait encore dans leur sein. Et ils sont nés ici alors, dans ce cas-là. Ici, c'est une mosquée, si vous voulez. Ça, c'est le coin de prière pour les musulmanes, là, derrière le rideau, là. Ici, c'est plutôt Il y en a beaucoup de musulmans ici. C'est peut-être entre 40, 30 et 40. Pour les autres confessions, il y a plus ou moins 400 catholiques. Il y a plus ou moins 200 protestantes mélangées avec les pentecôtes. Et une quarantaine d'adventistes ici. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des troubles psychologiques? Oui, il y en a beaucoup. Il y a, pour le moment, il y en a au moins 21. La moyenne d'âge des femmes qui sont ici, on a une idée? Oh là là, c'est tous les âges. C'est tous les âges. Il y en a de 13 à 73 ans. 13 à 73 ans. Le génocide n'a rien laissé intact au Rwanda. Il a détruit non seulement les hommes, mais aussi tous les liens qui les unissaient. Les gens ont tué leurs amis, les mères ont tué leurs enfants, les hommes ont livré leurs femmes aux violeurs ou aux tueurs. Les séquelles du génocide qui risquent de peser sur toute une génération, voire deux, sont à peine perceptibles. On les devine à travers le silence pesant des collines ou les confidences de certains acteurs du drame rwandais. Dans la section des femmes de la prison centrale de Kigali, tout le monde connaît Ansila et l'aime bien. Petite, les yeux rougis par le manque de sommeil, Ansila se tient tapie dans un coin, un peu comme une bête blessée, et à l'écart des autres détenus. Son histoire est de celle que la société rwandaise, dans sa farouche volonté de revivre, aimerait tant oublier. J'ai été arrêtée pour génocide. Je me suis enfuie avec les enfants et ils sont morts. J'ai tué. Je ne peux pas cacher un crime devenu public. J'ai fui la guerre. Puis la guerre s'est transformée en génocide. Mon mari était Tutsi. Moi, je suis Hutu. Mon mari m'a convaincu de retourner chez mes parents. Il m'a dit, c'est nous qu'ils cherchent, ils veulent nous tuer, fuis avec les enfants, essaie de les sauver. Oya umugabo wanjye yari yahunze namuzeye bahunze kwabo. Mon mari et mon beau-père se sont enfuis de leur côté. Je suis partie avec mes 5 enfants et ma belle-mère. Nous avons passé la nuit chez quelqu'un, mais les gens ont commencé à rôder autour de la maison en disant que cette personne cachait des Tutsis. Ma belle-mère m'a dit, la situation devient grave, prends les enfants et va chez tes parents. Je me suis d'abord rendue chez ma tante. Quand le mari de ma tante m'a vu, il s'est écrié, « Mon Dieu, ces enfants vont se faire tuer ici, il vaut mieux que tu ailles chez tes parents. » Mes parents s'étaient enfuis. Les tueurs les recherchaient parce que mon frère était marié avec une Tutsi. Je me suis quand même installée chez eux. Puis les gens qui traquaient les Tutsis sont arrivés. Ils m'ont dit, « Femme, que fais-tu avec ces enfants ?» Je n'ai rien répondu. Tu t'es enfui avec eux et ce sont eux que nous cherchons. Tu les. J'étais consternée. Ils m'ont laissé là, ils n'ont rien fait. Je ne peux pas dire que ce sont eux qui ont tué mes enfants. C'est moi qui les ai tués. Je me suis rappelé que mes parents cultivaient des légumes et qu'ils devaient avoir des pesticides. J'ai cassé le cadenas du local où on les conservait. J'ai pris un flacon de pesticides. Je l'ai fait boire à mes enfants sans le diluer. Ils l'ont bu. 4 d'entre eux sont morts. J'ai tué mes enfants, mais je ne les haïssais pas. J'ai paniqué. J'ai eu peur que les autres reviennent et nous trouvent là. Je me suis dit qu'il fallait que tout soit fini avant leur retour. Je n'avais nulle part où aller. Le mari de ma tante m'avait chassée. J'aurais mieux fait de mourir, mais je ne suis pas morte. Je ne vis pas. Rien ne va dans ma tête. Je ne dors presque pas. Mes enfants ne quittent pas mon esprit. La mobilisation populaire autour du génocide n'a oublié personne. Les élus municipaux, mais aussi les parents, n'ont pas hésité à faire appel aux enfants. Ces derniers étaient chargés de tuer les tout-petits ou d'achever les blessés. Un échantillon de cette génération perdue se trouve à Gitagata, dans le sud-est du pays. Situé en pleine campagne, le centre tient plus d'une pension pour garçons que d'une prison et il accueille des tueurs présumés qui avaient moins de 14 ans au moment du génocide. Ces enfants ont fait l'acte de génocide sous ordre de personnes âgées. En fait, les premiers enfants, les premiers venus, sont venus ici le 16 juin 1995. Ils venaient de tout le pays. Ils venaient des prisons de toutes les préfectures du pays. Il y a ceux qui sont venus en 95, il y a ceux qui sont venus en 97, etc. Mais jusqu'à maintenant aussi, il y a ceux qui viennent, qui viennent des prisons. Quand on trouve des enfants qui avaient moins de 14 ans, en 94, on les amène ici. Au total, nous avons eu 546 comme entrées, ceux qui sont entrés, et des sorties, 234. Pour le moment, il y a 312 qui sont ici. Le plus jeune a 13 ans. Ça veut dire que quand il a tué, il avait 8 ans. Mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart n'acceptent pas qu'ils ont tué. Janvier, l'un des pensionnaires de Gitagata avait 15 ans au moment du génocide. Il est accusé d'avoir tué un homme et deux enfants. Moi, je passais mes journées dans la rue. J'avais fugué. Après la guerre, on m'a arrêté. On m'a accusé d'avoir tué un certain Mourand Gira. C'est faux. Je ne peux pas vous raconter de mensonges. J'étais tout le temps avec les gens qui tuaient, mais moi, je n'ai tué personne. Ce monsieur, je ne sais pas comment il est mort, et ceux qui l'ont tué ne sont pas rentrés d'exil. Il y a aussi cette histoire d'enfants tués. Je vais te dire comment ils sont morts. C'est une fille qui les a emmenés, et on les a tués derrière les bâtiments scolaires. Les autres, c'est leur mère qui les a emmenés. Pour être clair, cette femme est Hutu, son mari, Tutsi. Il est rescapé, je ne sais pas où il s'est caché. En tout cas, ils sont ensemble maintenant. Donc, cette femme a emmené deux enfants et on les a tués dans la rue. Moi, je n'ai pas tué. Les tueurs buvaient, j'étais en leur compagnie. C'était pour l'ambiance, mais pas pour regarder comment ils tuaient. Les jeunes qui reconnaissent leurs crimes nous disent qu'ils ont été entraînés par les adultes. Par exemple, un responsable communal leur disait: allez, faites comme les autres, participez. D'autres ont été poussés par leurs parents. Certains jeunes ont leurs deux parents en prison pour génocide. Quand ces jeunes sont arrivés ici, ils se croyaient aussi en prison. Ils s'en prenaient alors aux parents qui leur ont appris à tuer. Mais avec le temps et l'éducation qu'ils reçoivent ici, ils s'humanisent petit à petit. On a eu aussi des enfants traumatisés par leurs actes. Ils avaient tendance à s'isoler et disaient: mon père et ma mère sont en prison parce qu'ils ont commis le génocide. Et moi, je l'ai commis aussi parce qu'ils m'y ont poussé. Au début, ces enfants avaient des crises d'épilepsie. Ils se jetaient du lit, hurlaient la nuit, faisaient pipi au lit. Au bout de 2 ans, ces manifestations sont de plus en plus rares. On en voit à peu près 3 par mois. Les enfants qui sont ici, ce sont des enfants Hutus. Alors, eux avaient comme en tête d'exterminer les Tutsis. Est-ce qu'ils ont des regrets par rapport à ce qu'ils ont fait? Ces enfants, on va les réintégrer dans leur famille respective. Nous appelions chaque enfant avec des questions dignes d'un éducateur pour leur demander si l'enfant a le remords, la reconnaissance donc, et la culpabilité et s'il peut demander pardon à des gens à qui ils ont commis, ils ont tué ou bien arrivé à leur famille sur colline. Nombreux nous disent non. Monsieur le directeur, ce centre est installé dans une région et dans une localité où il y a eu énormément, énormément de victimes du génocide. Il suffit de suivre la route qui vient ici pour se rendre compte qu'il n'y a plus personne aux alentours, qu'il n'y a que des ruines de maisons. Les quelques rescapés, les quelques enfants de rescapés de cette région vont dans la même école que ces enfants génocidaires. Comment se passent leurs relations ? Ici, dans cette localité, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont dont leurs parents ont subi les actes de génocide. Il n'y a pas beaucoup de Tutsis comme élèves ici. Alors c'est... Il n'y en a plus, vous voulez dire? Et il y en a trop peu, de façon... D'une façon peut-être, je dirais, remarquable. En général, il n'y a pas d'enfants Tutsis ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, disons, quand ces enfants, disons, arrivent dans... Ils vont, disons, à Nyamata. Quand il y a les gens les aperçoivent. Ça, ils disent, ce sont les enfants tueurs. Ça, c'est là où, par exemple, on remarque. Et s'il n'y a plus personne pour le remarquer? Oh, pas tellement. Des enfants tueurs, des enfants orphelins, l'orphelinat de Gisimba, situé à Nyamirambo, l'un des quartiers populaires de Kigali, accueille une partie de cette jeunesse qui n'a plus de repères. Le nombre de pensionnaires a bien baissé par rapport à 1994. À l'époque, le Rwanda comptait 270 000 orphelins ou enfants abandonnés. La campagne « Un enfant, une famille » lancée par le gouvernement semble avoir plus ou moins bien marché. Ce sont surtout les veuves qui ont adopté les enfants. Le directeur de l'orphelinat Gisimba. Il n'y a pas de distinction entre les enfants. En fait, c'est un centre pour orphelins, seulement tout court. Pas question de Tutsi ou de Hutu, de quoi. Les enfants ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas leurs ethnies. Vraiment, vraiment pas. Ils cohabitent très, très bien. Par exemple, il y a des enfants qui ont grandi ici. Bon, ils ne connaissent aucun membre de leur famille. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de parents. Alors, cet enfant, il peut vous dire qu'il est Tutsi ou qu'il est Hutu. Même après le génocide, puisqu'on était obligé d'accueillir d'autres enfants, alors on ne faisait pas de distinction d'enfants. Il y a des enfants des Hutus qui sont venus du Congo, il y a des enfants des Hutus qui sont morts avant la guerre, il y a des enfants des Hutus qui sont morts pendant la guerre, tout comme les enfants des Tutsis qui ont été victimes des génocides qui sont ici. Vous voyez, ce qui nous étonne, nous, c'est que justement les familles qui ont les moyens ne viennent pas réclamer les enfants. Mais ne viennent que les familles qui n'ont pas assez de moyens. Alors, bon... Tu vois, il y a des grands riches, des magnats qui sont ici, des commerçants. Quand on parle d'un enfant orphelin, il dit, moi, je ne suis pas concerné. Mais à notre grande surprise, on voit des pauvres du quartier qui disent, moi, j'ai besoin d'une petite fille, d'un petit garçon, alors comment est-ce que je peux en avoir comme ça? Bon, évidemment, là, on est obligé d'être prudent parce que nous c'est pas donné un enfant à n'importe qui. Puisque c'est dans ce sens-là que tu verrais qu'il y a des enfants qui fuient même les familles qui les ont accueillis. Mais les familles qui demandent les enfants sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Vous voyez ici, tu prends un enfant, quand l'enfant est dans de mauvaises conditions, il n'a pas de famille. Quand l'enfant grandit, il y a quelqu'un qui dit « Ah, cet enfant, je suis sa tante, je suis sa... » Alors on vient le grand-mère, quand on voit que ça va, il commence à avoir des familles. Quelle idée ça vous donne de la société rwandaise? Bon, la société rwandaise, vraiment, elle est plus ou moins compliquée, je dirais, si je n'exagère pas. Claude est arrivé à l'orphelinat de Simba en janvier 1999. Il devait avoir 14 ans, on lui donnerait tout au plus 12. Il ne maîtrise pas la langue rwandaise et affirme être originaire de Bunia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Mais ici, personne ne le croit. On le soupçonne d'être un jeune assassin qui ne veut pas rentrer sur sa colline. C'est un homme qui m'a amené ici. Je vivais au Congo Zaïre à Bunia. Mes parents ont été tués pendant la guerre par les gens de Kabila. Ils ont rassemblé les Rwandais à l'aéroport et ils les ont tués. Moi, je gardais les vaches. Un Rwandais m'a dit, viens, je t'emmène au Rwanda, c'est chez toi. On a traversé de grandes étendues d'eau. On est arrivé quelque part où il y avait beaucoup de maisons à étages. Et on est arrivé à Kampala. Puis nous avons pris le bus. Nous avons passé une nuit dans le bus. Le lendemain, le monsieur m'a emmené au restaurant. Il m'a acheté du thé. Il m'a dit « Attends-moi ici, je reviens tout de suite ». Je l'ai attendu jusqu'à midi. Il n'est pas revenu. Alors j'ai demandé aux gens où se trouvait l'orphelinat de Kigali. Ils m'ont conduit ici. Une semaine après notre rencontre avec Claude, le ministre des Finances de la rébellion congolaise qui était de passage à Kigali a pu identifier cet enfant et l'a rapatrié en République démocratique du Congo. Le petit Claude a retrouvé sa mère à Bunia. Aux étoiles éteintes, avec Ernest Rwagasana, Immaculée Ngabire, Elim Paimana et Nathalie Espérance du village des veuves de Nyamata, Abatessi et Marie du village des veuves de Kimironko, Ansila, détenu à la prison centrale de Kigali, Albert, les responsables du centre de rééducation de Gitagata, et avec les voix de Sonia Emmanuel, Marie-Louise Laventure, Nathalie Trianda, Thierry Beauchamp et Marc-Alexandre Milenvoie. Rwanda 1999, revivre à tout prix. Philippe Bredin, Éric Boissé, Mehdi Elhadj, Madeleine Mukamabano. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Kigali, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.